Chapitre 22e. La Mimar paraît avoir un grand poids de moins sur les épaules depuis que les affaires des ardoisières sont arrangées. Il travaille et tient ses livres avec la probité la plus méticuleuse. Il passe moins de temps à la taverne, et ses consommations y deviennent chaque jour moins copieuses. Il dîne régulièrement avec Mariette et les trois garçons et paraît renoncer peu à peu au billard. La transformation s'accomplit lentement mais sûrement. Quand enverrons-nous les enfants à l'école? Dit un jour Mariette à Marc. Il y a déjà longtemps que j'y pense. Vous y pensez toujours et vous n'agissez jamais. On m'a parlé d'une école primaire tenue par une dame. Cette pension, située à Sainte-Colombe même, remplit, je crois, toutes les conditions désirables. Quel est le prix? 75 livres par an. 75 livres? Mais c'est exorbitant. Croyez-vous que mes trois garçons vivent comme de petits caméléons, de l'air du temps? La maîtresse de pension ne fait pas d'économie, dit-on, sur la nourriture des élèves. C'est de première importance à mes yeux. Vous qui vous plaignez tant de votre isolement, que deviendrez-vous quand vos fils ne seront plus près de vous? La loi du sacrifice s'impose aux parents qui comprennent leurs devoirs, riposta Mariette, sur le ton d'une matrone romaine. Il s'agit d'en faire des hommes, au lieu de les laisser ici croupir dans l'ignorance. Avec vous, il n'y a pas cela à craindre. Puis-je commencer à leur apprendre le latin, le grec, dites? « Allons, nous verrons, » répond Marc pour éluder toute solution. « Je vais m'occuper vivement de leur trousseau, » repartit Mariette en allant dans un coin chercher la machine à coudre, jusque-là silencieuse. Puis elle posa à côté d'elle un immense panier rempli d'ouvrages taillés et préparés. Le grain ne manquera pas sous la meule. « Quelles sont les nouvelles, Marc ? » dit-elle en enfilant l'aiguille de la machine. « Je ne sais rien qui vaille la peine d'être raconté. » Madame Trevenock et sa fille ont quitté Penrith Place. Elles y sont restées assez longtemps, répondit Mariette en riant. Quelle exploitation de l'homme par les femmes! Pourquoi n'y restera-t-elle pas? Leur présence donne un grand charme à la vieille maison. Sans doute une jeune fille jolie, élégante, coquette est un ornement dans une maison, dit Mariette en cassant son fil. C'est de Flossie que vous voulez parler? Je veux dire Mademoiselle Florence Trevenock. Ah, vous l'appelez par son surnom! « Je ne vous savais pas sur ce pied d'intimité avec elle. »« Cela n'a aucune importance. On l'appelle toujours ainsi. C'est une bonne et charmante enfant que tout le monde aime. Mais sa beauté est très inférieure à la vôtre et vous n'avez pas lieu d'en être jalouse. »« Qui vous dit que j'en suis jalouse? Je ne saurais être jalouse d'un nez aussi singulièrement tourné. J'ai un autre grief contre elle. »« Lequel? La voir s'éterniser à Penrith Place quand moi, » dit-elle en se frappant la poitrine, « il ne m'a même pas permis d'en franchir le seuil. »« Cela viendra avec le temps. »« Cela aurait dû venir depuis longtemps, si vous n'étiez pas aussi timoré. »« Votre frère a eu sa fantaisie, pourquoi n'auriez-vous pas la vôtre ?»« Vous savez quel est l'obstacle qui m'arrête. »« Je ne suis pas en situation de rien risquer. »« Si Vivien vous survit, que deviendrai-je ?»« Cette appréhension n'a pas de raison d'être. »« J'ai 11 ans de moins que Vivien, et ma santé n'est pas mauvaise. » « Les choses ne peuvent pas durer comme cela, » repartit Mariette d'une voix irritée, impérieuse, impatiente. Puis le fil de la conversation se cassa comme celui de la machine à coudre. « Comment faire et de quel côté me viendra le salut ?» se demanda Madame Peters. Quand elle eut bien repassé dans son esprit tous les motifs qui exposaient ses plus chers intérêts à de si longs et si cruels retards, elle reprit la parole avec calme et dit « Votre sœur est-elle revenue, Marc ?»« Oui. » Plus gourmée que jamais, et plus imbue d'orthodoxie, de maximes évangéliques, de paraboles que par le passé, et en même temps plus aigre et moins charitable encore, s'il est possible. Sa femme de chambre la quitte pour se marier. C'est un événement capital dans la maison. Prissy est sinon scandalisée, du moins consternée. Elle jure qu'on ne l'y prendra plus, et se promet de remplacer cette jeunesse par une femme d'un âge raisonnable qui la servira pieusement, doucement, sagement. Allons, allons. « Marc, » dit Mariette avec entrain, « pourquoi ne nous offririons-nous pas ce soir un petit souper ?» Et elle va chercher un plateau chargé de mets affriolants. « Vous avez quelque chose à me demander ?» dit Marc, quand Mariette lui eut apporté son briquet. Enjouée, avenante et gaie, elle verse un flot de bière qui, une fois lancé, ne s'arrête plus. « Est-ce une robe? Un chapeau? Rien de tout cela. Quoi donc alors? Je veux aller à Penrith Place. » « Vous savez que c'est impossible. J'entrerai au service de votre sœur. Vous n'y pensez pas. J'y pense très sérieusement. Il le faut, je le veux. Ah, quelle étrange résolution! Dans quelle situation vous me mettrez ?» je saurai triompher de toutes les difficultés, dit-elle avec une force de volonté, qui a raison encore une fois de la faiblesse de Marc. D'abord, je me ferai passer pour veuve. Elle le tenait si bien dans ses filets qu'il finit par lui promettre sa complicité pour obtenir le certificat avec lequel elle entend forcer le seuil inabordable de Penrith Place. Le lendemain, Marc arrive chez le vétérinaire Nichols avec le projet de certificat que Mariette a elle-même élaboré et il lui demande de le faire copier et signer par sa femme. Le vétérinaire lit le document et dit que, malgré tout son désir de rendre le service qu'on lui demande, il lui répugne de certifier que le passé de la veuve en quête d'emploi garantit l'avenir, car enfin l'alliance qu'elle porte au doigt n'est qu'un bijou de pure invention. Elle est mariée de par la loi et bientôt sa situation sera nettement établie, riposte Marc. J'aurais dû me dire depuis longtemps que ma femme n'aurait pas fait amitié avec elle si elle n'eût eu des garanties sérieuses de son honorabilité. Madame Nichols passe en effet pour être un colémonté. Oui, mais elle est très bonne, très dévouée aux intérêts du prochain, et vous pouvez compter que le certificat sera copié fidèlement. Marc revint au cottage soulagé d'un grand poids. Il a laissé le projet de certificat entre les mains de Nichols, qui a promis de le lui rapporter le lendemain aux ardoisières. « Dieu du ciel » s'écrie-t-il, en apercevant la pétulante Mariette transformée en une personne d'un aspect grave, modeste, dont l'austérité se reflète sur son extérieur. Sa belle chevelure est enfouie sous un petit chapeau. Sa robe de laine noire dissimule son embonpoint et la rend plus vieille de quelques années. « Vous avez devant vous une veuve infortunée, » dit Mariette à Marc. « Comment trouvez-vous que je supporte mes malheurs ?»« C'est à peine si je reconnais en vous la trace de votre première condition. »« Ah, Mariette, je ne goûte que médiocrement cette transformation, vos machinations, vos mystères. »« Dieu veuille que votre volonté s'accomplisse, » dit-elle en l'interrompant. « Car alors, tout d'un coup, les biens, les honneurs fondront sur nous. Nous nagerons enfin dans la prospérité. » Mieux vaut une honnête pauvreté, Mariette, qu'une fortune mal acquise. Ah, si vous saviez ce que j'ai souffert pour avoir dévié une fois du sentier de l'honneur. Et le certificat, je l'aurai ce soir. Allons, dit-elle, le temps presse, je compte sur vous de bonne heure. Marc retourne aux ardoisières, Nichols l'attend à son bureau. Eh bien? Ah, dit Nichols, cela n'a pas fait un pli. Voilà le certificat et la lettre de recommandation à l'adresse de Mademoiselle Prissy Penrith. Que pourrais-je faire pour reconnaître ce service ? S'écria Marc. Allons donc, riposta le vétérinaire. Puis il ajouta soudain : Votre alzan est en bonne voie de guérison, et si vous me le laissiez encore quelques semaines, il serait en état de gagner un prix. Puisque vous lui croyez quelque valeur, Nichols, je vous en fais cadeau. Et Nichols, confus, remercia Marc en se disant : Ce qui me passe, c'est qu'il y a des gens qui auraient hésité à lui rendre ce service.